Émission de Web Musique. Mon nom est Simon Roy. On va passer la prochaine heure ensemble. Ce soir, ben, comme à l'habitude, je vais vous proposer une sélection musicale de différents artistes qui croient aux licences Creative Commons. C'est des licences qui permettent de diffuser la musique gratuitement. Une licence qui énonce clairement qu'est-ce qu'on peut faire avec la musique, contrairement au copyright qu'il faut contacter l'auteur, donc, pour réussir à savoir quoi faire avec la pièce, de demander des autorisations, bien, ces pièces-là sont déjà, les licences sont très claires. Donc, ça permet de partager toutes ces pièces-là. Vous allez pouvoir télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, vous vous rendez sur le site de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous avez accès à la playlist de l'émission et c'est ça, vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez. Donc, c'est ça, cette semaine, on va débuter un peu avec du jazz à tendance électronique. Ça vient de l'Allemagne, c'est Cryptic Universe. Je vous fais passer la pièce Passo. Tout de suite après, sur l'excellent net label Subwise, c'est Inspector, un artiste russe, donc avec sa pièce Cold War in My Head Part 1, deux pièces excellentes. Donc, on débute Web Music avec Cryptic Universe et sa pièce Passo. We'll be right back. Thank you. Russie, c'était Inspector avec sa pièce Cold War in My Head Part 1. Avant ça, on avait débuté Web Music avec Cryptic Universe avec leur pièce Passo. Cryptic Universe, un groupe qui nous vient de l'Allemagne. On poursuit l'émission avec un artiste des Pays-Bas qui s'appelle Eisenheimer. Je fais passer la pièce de Herfs. Donc ça, c'est publié sur Alkaline Air Recordings, une excellente pièce. Thank you. sur Alkalineer Recordings des Pays-Bas. Donc, c'était Eisenheimer avec sa pièce de Herfs, donc une pièce assez planante. On va poursuivre Web Music avec Kenobi, un artiste qui a fait un album split avec Jimmy Penguin. Donc, je vous fais passer la pièce Flames, une autre excellente pièce à Web Music. En mai à l'Ampli de Québec, entrevue radio et presse écrite avec François Tremblay. Projet pratique supervisé en studio avec Jocelyn Bouchard. Le scratch avec Faith Wizard. Le souffle sonore avec Marie-Louise Bourbeau. Séminaire d'information sur la fiscalité pour les particuliers en affaires avec l'Agence de revenus du Canada et Revenu Québec. Et les auditions du Festival international de la chanson de Granby les 27, 28 et 29 mai prochains. Pour composer votre propre menu, devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur ampliquebec.qc.ca 418-977-9764. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Ce projet est piloté par le Carrefour Jeunesse Emploi de la Capitale-Nationale.

De la Finlande, c'était Skipless avec sa pièce Dark Matter. C'était publié sur Dusted Wax Kingdom. Avant ça, c'était Photophobe, un artiste autrichien avec sa pièce Pose Flecken Remix. Donc ça, publié sur Ton Atom. Pour poursuivre Web Musique, on va se diriger du côté de l'Allemagne cette fois-ci avec Cosmonaut, avec sa pièce Youth 273. C'est publié sur Ideology, un excellent net label. Ensuite de ça, sur Edfonica, ça va être Goins Ma Non Troppo avec la pièce De Tout. Goins Ma Non Troppo, un groupe qui nous vient de l'Argentine. Donc pour tout de suite, Cosmonaut. Inquiète, maintenant, je suis sur le blanc, me préparer. un hombre que te cuide al piano. Mais ma manière de regarder, j'ai ta fille. C'était Quanz Manon Tropo à CKRL, donc à l'émission Web Musique, avec leur pièce De Tout. Quanz Manon Tropo, un groupe de l'Argentine publié sur Headphonica. Avant ça, ben, de la ville de Berlin en Allemagne, c'était Cosmonaut avec sa pièce Youth 273. C'était publié sur Ideology. Je vous rappelle que toutes les pièces entendues à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement. Venez faire un tour sur le site de l'émission au www.webmusique.ca. Vous avez accès à toute cette bonne musique. On va poursuivre donc Web Musique avec un artiste de la ville de Moscou qui s'appelle Coalypse. Je vous fais passer sa pièce Robot Static. Ça, c'est publié sur SoundSource Netlabel. On écoute ça tout de suite. Thank you. de la Russie, c'était Qualips avec sa pièce Robostatic. C'était publié sur Soundsource Netlabel. Donc, c'est ça, je pense que ça va être tout pour Web Music. J'ai aucune idée si le Dr Franco s'en vient après. Il n'est pas encore arrivé en studio, donc ça sera une surprise à 22h. Donc, c'est ça, on va se laisser sur une dernière pièce, mais avant, je vais vous rappeler de vous rendre au www.webmusique.ca. C'est l'adresse de l'émission, donc vous avez la playlist et vous avez aussi accès à la balado-diffusion. Donc, c'est ça, rendez-vous sur le site pour avoir plus d'informations à propos des pièces présentées à l'émission. Ah ben oui, le docteur Franco s'en vient, donc il va être là à 22h. Donc, c'est ça, on se laisse sur une pièce de Dot CRK, c'est un artiste de Lisbonne au Portugal. C'est publié sur Mimi Records. Le titre de la pièce est imprononçable, donc je ne le prononcerai pas. On se laisse là-dessus. Bonne semaine.